Et pourquoi déguiserais-je ici les délices que me faisait éprouver cet être charmant, avec ses regards si purs, ses mouvements si naturels, d'une sincérité qui se lisait dans ses yeux, avec cette fraîcheur et cette transparence de peau qui laissait voir au travers courir un sang coloré, avec même cet air rustique et vigoureux qui ne manquait pas d'un charme particulier. Oh, me direz-vous, ce garçon était de condition trop basse pour mériter tant d'attention. D'accord, mais ma propre condition, à bien considérer, était-elle donc d'un cran plus élevé? Ou bien, en supposant que je fusse réellement au-dessus de lui, la faculté qu'il avait de procurer un plaisir si exquis ne suffisait-elle pas à l'élever et à l'ennoblir, pour moi tout au moins? À d'autres d'aimer, d'honorer, de récompenser l'art du peintre, du statuaire, du musicien, en proportion de l'agrément qu'ils y trouvent. Mais à mon âge, avec mon goût pour le plaisir, l'art de plaire dont la nature avait doué une jolie personne était pour moi le plus grand des mérites. Monsieur H., avec ses qualités d'éducation, de fortune, me tenait sous une sorte de suggestion et de contrainte, fort peu capable de produire de l'harmonie dans le concert d'amour, tandis qu'avec ce garçon, je me trouvais à l'aise sur le pied d'égalité. Et c'est ce que l'amour préfère. Je pouvais sans peur ni contrainte folâtrer à mon aise et réaliser telle fantaisie qui me viendrait dans la tête. Will, à genoux à côté de mon lit, m'accablait de caresses. Ce n'était pas assez. Après quelques questions et réponses souvent interrompues par de tendres baisers, je lui demandais s'il voulait passer avec moi entre mes draps le peu de temps qu'il avait à rester. C'était demander à un hydropique s'il voulait boire. Aussi, sans plus de façon, il quitta ses habits et sauta sur le lit que je tenais ouvert pour le recevoir. Will commença par les préliminaires accoutumés, préludes intéressants, qui sont autant de gradations délicieuses, dont peu de personnes savent jouir, par leur précipitation à courir à cet instant précieux qui équivaut à une éternité. Lorsqu'il eut suffisamment préparé les voies à la jouissance en me baisant, en me provoquant, mon jeune sportsman, maniant mes seins à présent ronds et potelés, s'enhardit à me mettre dans la main sa vigueur elle-même. Sa tension, sa roideur étaient étonnantes. C'était un inestimable coffret de joyaux chéris des femmes, un merveilleux étalage de riches et belles choses en vérité. Mais le drôle que je maniais augmentait de superbe et d'insolence et se mutinait. Je me hâtais donc, pour être de moitié dans le bonheur de mon jeune homme, de placer sous moi un coussin qui servit à élever mes reins, et dans la position la plus avantageuse, j'offris à Will le séjour des béatitudes où il s'insinua. Notre ardeur croissant, je lui passai alors mes deux jambes autour des reins et le serrai de mes bras de façon que nos deux corps confondus ne semblaient respirer que l'un par l'autre et qu'il ne pût se bouger sans m'entraîner avec lui. Dans cette luxurieuse position, Will eut bientôt atteint le moment suprême. Je me ranimais donc pour parvenir au même but et me servis de tous les expédients que la nature put me fournir pour qu'il m'aidât à combler mes désirs. Je m'avisai enfin de caresser et presser les tendres globules de ce réservoir du nectar radical. Ce magique attouchement eut son effet instantané. Je sentis aussitôt les symptômes de cette douce agonie, de cette crise de dissolution, où le plaisir meurt par le plaisir, et je me noyais dans des flots de délices. Nous passâmes quelques moments dans une langueur voluptueuse et comme anéantis par le plaisir. À la fin, je me débarrassai de ce cher enfant et lui dis que l'heure de sa retraite était venue. Il reprit en conséquence ses habits, non sans me donner de temps en temps les baisers les plus tendres, et sans me parcourir encore des yeux et des mains, avec une ardeur aussi vive que s'il ne m'avait vu que pour la première fois. Avant de le congédier, je le forçai, car il avait assez de tact pour refuser, à prendre de quoi s'acheter une montre en argent, ce grand article de luxe pour le petit monde. Il l'accepta enfin, comme un souvenir qu'il aurait soin de garder de mon affection. Ensuite il partit, quoiqu'à regret, et me laissa en proie à cette tranquillité qui suit les plaisirs sacrés de la nature. Et ici, madame, je devrais m'excuser de ce menu détail de choses qui firent sur ma mémoire une si forte impression. Mais outre que cette intrigue occasionna dans ma vie une révolution que la vérité historique m'interdit de vous cacher, Ne suis-je pas en droit de prétendre qu'il serait injuste d'oublier un tel plaisir, par la raison que je l'ai trouvé dans un être de condition inférieure? C'est pourtant là, soit dit en passant, qu'on le rencontre plus pur, moins sophistiqué, qu'au milieu de ces faux et ridicules raffinements dont les grands laissent nourrir et tromper leur orgueil. Les grands. Y a-t-il, dans ce qu'ils appellent le vulgaire, beaucoup de gens plus ignorants de l'art de vivre qu'ils en sont eux-mêmes? La plupart, au contraire, laissent de côté ce qui ne tient pas à la nature même du plaisir, et leur objet capital est de jouir de la beauté partout où ils trouvent ce don inestimable, sans distinction de naissance ou de position. L'amour n'avait jamais eu de part dans mon commerce avec cet aimable garçon, et la vengeance avait cessé d'en avoir une. Le seul attrait de la jouissance était maintenant le lien qui m'attachait à lui, car bien que la nature l'eût si favorablement doté d'avantages extérieurs, il lui manquait néanmoins quelque chose pour m'inspirer de l'amour. Will avait assurément d'excellentes qualités, gentil, traitable et, par-dessus tout, reconnaissant. Silencieux, même à l'excès, parlant très peu, mais avec chaleur, et, pour lui rendre justice, jamais il ne me donna la moindre raison de me plaindre. Soit d'aucune tendance à abuser des libertés que je lui accordais, soit de son indiscrétion à les divulguer. Il y a donc une fatalité dans l'amour, où je l'aurais aimé, car c'était réellement un trésor, un morceau pour la bonne bouche d'une duchesse. Et à dire le vrai, mon goût pour lui était si extrême qu'il fallait y regarder de fort près pour décider que je ne l'aimais pas. Quoi qu'il en soit, mon bonheur avec lui ne fut pas de longue durée. Une imprudence interrompit bientôt un si tendre commerce et nous sépara pour toujours, lorsque nous y pensions le moins. Un matin, étant affolâtré avec lui dans mon cabinet, il me vint en tête d'éprouver une nouvelle posture. Je m'assis et me mis jambe de ça, jambe de là, sur les bras du fauteuil, lui présentant à découvert la marque où il devait viser. J'avais oublié de fermer la porte de ma chambre, et celle du cabinet ne l'était qu'à demi. Monsieur H., que nous n'attendions pas, nous surprit précisément au plus intéressant de la scène. Je jetai un cri terrible en abattant mes jupes. Le pauvre Will, comme frappé d'un coup de foudre, demeura interdit et aussi pâle qu'un mort. Monsieur H. nous regarda quelque temps l'un et l'autre, avec un visage où la colère, le mépris et l'indignation paraissaient dans leur plus haut degré, et, reculant en arrière, se retira, sans dire un mot. Toute troublée que j'étais, je l'entendis fermer la porte à double tour. Pendant ce temps-là, le malheureux complice de mon infidélité agonisait de frayeur, et j'étais obligée d'employer le peu de courage qui me restait pour le rassurer. La disgrâce que je venais de lui causer me le rendait plus cher. Je lui baignais le visage de mes pleurs, je le baisais, je le serrais dans mes bras. Mais le pauvre garçon, devenu insensible à mes caresses, ne remuait pas plus qu'une statue. Monsieur H. rentra un moment après, et nous ayant fait venir devant lui, il me demanda d'un ton flegmatique à me désespérer ce que je pouvais dire pour justifier l'affront humiliant que je venais de lui faire. Je lui répondis en pleurant, sans aggraver mon crime par le style audacieux d'une courtisane effrontée, que je n'aurais jamais eu la pensée de lui manquer à ce point s'il ne m'en avait, en quelque manière, donné l'exemple, en s'abaissant jusqu'aux dernières privautés avec ma servante, que toutefois je ne prétendais pas excuser ma faute par la sienne, qu'au contraire, j'avouais que mon offense était de nature à ne pas mériter de pardon, mais que je le suppliais d'observer que c'était moi qui avais séduit son valet dans un esprit de vengeance. Enfin, j'ajoutais que je me soumettais volontiers à tout ce qu'il voudrait ordonner de moi, à condition qu'il ne confondît point l'innocent et le coupable. Il sembla un peu déconcerté quand je lui rappelai l'aventure de ma servante. Mais s'étant remis bientôt, il me répondit à peu près en ces termes. « Madame, j'avoue à ma honte que vous me l'avez bien rendu et que je n'ai que ce que je mérite. Nous nous sommes cependant trop offensés tous deux pour continuer à vivre désormais ensemble. Je vous accorde 8 jours pour chercher un autre logement. Ce que je vous ai donné est à vous. Votre hôte vous payera de ma part 50 guinées et vous délivrera une quittance générale de tout ce que vous lui devez. Je me flatte que vous conviendrez que je ne vous laisse pas dans un état pire que celui où je vous ai prise, ni au-dessous de ce que vous méritez. Ne vous en prenez point à moi, si je ne fais pas mieux les choses. » Alors, sans attendre ma réponse, il s'adressa à Will. « Quant à vous, beau freluquet, je prendrai soin de votre personne pour l'amour de votre père. La ville n'est pas un séjour qui convient à un pauvre idiot tel que vous. Demain, vous retournerez à la campagne. » À ces mots, il sortit. Je me prosternai à ses pieds pour tâcher de le retenir. Ma situation parut l'émouvoir. Néanmoins, il suivit son chemin, emmenant avec lui son jeune valet, qui, sûrement, s'estimait fort heureux d'en être quitte à si bon marché. Je me trouvai encore une fois abandonné à mon sort par un homme dont je n'étais pas digne. Et toutes les sollicitations que j'employais pendant la semaine qu'il m'avait accordée pour chercher un logis ne purent l'engager à me revoir une seule fois. Will fut renvoyé immédiatement à son village, où, quelques mois après, une grosse veuve, qui tenait une bonne hôtellerie, l'épousa. Il y avait tout au moins, je puis le jurer, une excellente raison pour qu'ils vécussent heureux ensemble. J'aurais été charmée de le voir avant son départ, mais M. H. avait prescrit certaines mesures qui rendaient la chose impossible. Autrement, j'aurais sans aucun doute essayé de le retenir en ville, et je n'aurais épargné ni offres ni dépenses pour me procurer la satisfaction de le garder avec moi. J'avais pour lui une inclination qui ne pouvait être aisément détruite ni remplacée. Quant à mon cœur, il était hors de question. Toutefois, j'étais contente que rien de pis ne lui fût arrivé. Et en fait, d'après la tournure que prirent les choses, il ne pouvait lui arriver rien de meilleur. Quant à M. H., quoique par certaines considérations de convenance, j'eusse d'abord cherché à regagner son affection, j'étais assez légère, assez insouciante, pour me consoler de mon accident un peu plus vite que je ne l'aurais dû. Mais comme je ne l'avais jamais aimé et que sa rupture me donnait une sorte de liberté qui avait fait souvent l'objet de mes vœux, je fus promptement réconfortée. Et me flattant qu'avec le fond de jeunesse et de beauté que j'apportais dans les affaires, je ne pouvais guère manquer de réussir, ce fut plutôt avec plaisir qu'avec la moindre idée de découragement que je me vis contrainte à compter là-dessus pour tenter fortune. Sur ces entrefaites, plusieurs des femmes entretenues que je connaissais, ayant bien vite eu vent de ma déconvenue, accoururent me prodiguer l'insulte de leur malicieuse consolation. La plupart enviaient depuis longtemps le luxe et la splendeur qui m'environnaient. Et quoique parmi elles, il y en eût à peine une seule qui méritât le même sort et qui, tôt ou tard, ne dut le partager, il était facile pourtant de remarquer, à travers leur feinte compassion, leur secret plaisir de me voir ainsi congédiée et leur chagrin secret de ce qu'il ne m'arriva rien de pire. Incompréhensible malice du cœur humain, et qui n'est pas confinée à la classe dont ces femmes faisaient partie. Mais le temps approchait où il me fallait prendre une résolution. Tandis que je cherchais autour de moi où je pourrais bien fixer ma résidence, Madame Cole, une sorte de femme discrète et de moyen âge, que j'avais connue par une des demoiselles en question, apprenant l'état où je me trouvais, vint m'offrir ses avis loyaux et ses services. Et comme je l'avais toujours préférée à toutes mes autres connaissances féminines, je n'en fus que mieux disposée à écouter ses propositions. D'après ce qui en résulta, je ne pouvais tomber dans tout Londres en pire ou en meilleure main. En pire, car tenant une maison galante, il n'y eut pas de raffinement de luxure qu'elle ne me suggéra pour accommoder ses clients. Pas de façon lascive, ni même d'effrénée débauche qu'elle ne prit plaisir à m'enseigner. En meilleure, car personne n'ayant plus qu'elle l'expérience du libertinage de la ville, n'était mieux placée pour me conseiller et me préserver des dangers inhérents à notre profession. Et, chose rare parmi ses pareils, elle se contentait, pour son industrieuse assistance et ses bons offices, d'un profit modéré, sans rien partager de leurs habitudes rapaces. C'était réellement une femme bien née et bien élevée, mais que des revers de fortune avaient lancé dans cette industrie. Qu'elle continuait, moitié par nécessité, moitié par goût, car jamais femme ne se montra si active dans son commerce et n'en comprit mieux tous les mystères et toutes les finesses. Elle était, sans contredit, à la tête de sa profession et n'avait affaire qu'à des clients de qualité. Pour satisfaire à leurs demandes, elle entretenait constamment un bon stock de ses filles. Ainsi appelait-elle les jeunes personnes que leur jeunesse et leur charme recommandait à son adoption, et dont plusieurs, grâce à son appui et à ses conseils, réussirent très bien dans le monde. Cette utile matrone, à la protection de qui je m'abandonnais, avait ses raisons, relativement à M. H., pour ne point paraître s'occuper trop de mes affaires. Aussi envoyait-elle une de ses amies, le jour fixé pour mon déménagement, me prendre et me conduire à mon nouveau logement, chez un brossier de R Street, Covent Garden, juste à côté de sa propre maison, où elle n'avait pas de quoi me recevoir elle-même. Ce logement s'étant trouvé occupé depuis longtemps par des femmes galantes, le propriétaire était familiarisé avec leurs allures. Et pourvu qu'on payât le loyer, on avait pour le reste toutes les aises et toutes les commodités qu'on pouvait désirer. Les 50 guinées que m'avait promises M. H., lors de notre rupture, m'ayant été dûment payées, mes effets d'habillement et tout ce qui m'appartenait emballé et chargé sur une voiture de louage, je les y suivis bientôt, après avoir pris congé du propriétaire et de sa famille. Je n'avais pas vécu avec eux dans un degré de familiarité suffisant pour regretter de m'en séparer. Et cependant le fait seul que c'était une séparation me fit verser des pleurs. Je laissai aussi une lettre de remerciement pour M. H., que je croyais à tout jamais perdu pour moi, comme il l'était en effet. J'avais congédié ma servante la veille, non seulement parce que je la tenais de M. H., mais parce que je la soupçonnais d'avoir été pour quelque chose dans sa découverte. Elle s'était peut-être vengée de ce que je ne lui avais pas confié mon intrigue. Nous fûmes vite arrivés à mon logement, qui, sans être aussi richement meublé, ni aussi beau que le précédent, était en somme aussi confortable, et à moitié prix, quoique au premier étage. Mes malles, descendues en bon état, furent déposées dans mon appartement, où m'attendaient Mme Cole et mon propriétaire, auquel elle me présenta sous les couleurs les plus avantageuses, c'est-à-dire comme une locataire sur qui l'on pouvait compter pour le paiement régulier de son loyer. Elle m'aurait attribué toutes les vertus cardinales, que cela n'eût pas eu la moitié du poids de cette recommandation toute seule. J'étais donc installée dans un logement à moi, laissée à ma seule conduite dans cette grande ville, pour m'y noyer ou surnager, suivant que je saurais manœuvrer avec le courant. Quelles en furent les conséquences, et quelles aventures m'arrivèrent dans l'exercice de ma nouvelle profession, c'est ce qui fera l'objet d'une autre lettre. Car il est bien temps, je le crois, de mettre un point à celle-ci. Je suis, madame, votre dévouée, etc., etc.